vois à la télé, je suis pas en train de rêver. Ça m'a mis en rogne de voir ta fin pour rien. Hippopotame, hypodermique, et piqué, t'as pas supporté. Tu fous là, pour toi c'est fini. Hippopotame, hypodermique, ça t'a tué, t'as pas supporté. Hippopotame, hypodermique, ça t'a tué, t'as pas supporté. Hippopotame, hypodermique.